Deuxième partie, chapitre 3, elle et lui. Adrienne avait aussitôt quitté les salons de la baronne Gorgès, prétextant une indisposition. Rentrée chez elle, boulevard Haussmann, toute fiévreuse, avec une raideur automatique, elle ôta son chapeau et ses gants. Elle s'assit, les yeux perdus dans le vague. Elle voyait Jean Robin. Tel il s'était présenté une seconde, dans les lumières et le bruit de cette fête, telle la comtesse le voyait dans la demi-obscurité de sa chambre. Le misérable lâche! Il avait osé! Il était venu pour elle chez la baronne, c'était sûr. Il avait prémédité ce coup du chèque. Il avait voulu lui montrer qu'il était l'homme d'argent. Homme debout, corps sans âme. L'avait-elle assez aimé pourtant? Jusqu'à oublier ses pudeurs de jeune fille, jusqu'à se donner sans restriction, jusqu'à devenir sa maîtresse. Il s'était joué d'elle. Peut-être ne l'avait-il pas trouvée assez riche. Il était disparu soudain, sur des serments qu'elle avait encore dans le cœur, après tant d'années, puis plus rien. Et elle se rappela les lettres qu'elle lui avait écrites, ces chères lettres qu'elle arrosait de ses larmes, qu'elle eût voulu tracer de son sang. Et elle avait eu une fille de cet homme, Seigneur. Voilà donc pourquoi elle n'avait jamais pu aimer cet enfant. Ce qui la séparait de cette créature qui était la chair de sa chair, c'était donc le juste mépris qu'elle avait du père. Oh, le misérable, l'infâme! Quoi? Il l'avait prise, pure, aimante, aveuglée de tendresse infinie, pour l'abandonner ensuite. Sa vie n'avait compté pour rien. Ce qu'il fallait à ce formant d'amour, c'était de l'or, de l'or, rien que de l'or. Oh, je te hais, entends-tu, je te hais, et rien ne peut égaler ma haine, si ce n'est mon mépris. La malheureuse femme se surprit à jeter tout haut ce cri d'angoisse dans le grand silence de l'hôtel. Et ce fut là ce qui amena la crise. Le son de sa propre voix la fit sursauter et, gémissante, elle s'abattit sur les genoux, roula sur le tapis avec des sanglots désespérés, des larmes que séchait aussitôt le feu de ses joues, des cris de souffrance à faire pleurer. Cela dura longtemps. Et quand elle eut retrouvé un peu de son calme, elle eut à peine la force de se traîner jusqu'à son lit où elle tomba et s'endormit d'un sommeil de plomb, comme assommée par son malheur. Car le retour de Jean Robin donnait à ce qu'elle appelait sa trahison toute l'amère et cuisante âpreté d'une chose nouvelle. Il lui semblait que la catastrophe de son abandon était toute récente, qu'elle datait de cette nuit. Le lendemain, elle demeura toute la journée dans un petit boudoir qu'elle affectionnait, pelotonnée au fond d'une causeuse, cherchant, avec toute sa belle vaillance, avec toute la volonté de son esprit supérieur, à ne plus le voir, à l'oublier pour toujours. Mais, quoi qu'elle fît, il était encore près d'elle. Elle le voyait aussi clairement que s'il eût été encore dans le salon de la baronne Gorgès. Oh, elle arriverait bien à l'arracher de son cœur, à le chasser de sa vie, quand elle devrait fuir, s'en aller n'importe où. Seule avec sa pensée de désolation, elle se livrait ainsi à son désespoir et, croyant effacer Jean Robin de sa mémoire, elle y gravait plus profondément ses traits. Vers 4 heures, sa femme de chambre entra. « Madame la comtesse me pardonnera de la déranger, dit-elle, mais il y a au salon un monsieur qui demande à la voir pour affaire très pressante. Je vous avais dit que je défendais ma porte, commença Adrienne, lassée de tout en ce moment d'angoisse. C'est bien ce que j'ai dit. J'ai assuré à ce monsieur que madame la comtesse n'était pas visible. » Il m'a répondu qu'il savait très bien que madame était là et qu'il était obligé de la voir aujourd'hui même pour affaire urgente. Alors, j'ai cru devoir... Oh ! Songea amèrement Adrienne. Sans doute quelque usurier du comte. Au fait, les rôles sont renversés dans cette maison. C'est la femme qui paie. Oh, honte ! Et on le sait. Et elle allait donner l'ordre de renvoyer l'importun lorsqu'elle se ravisa. « Ce monsieur a-t-il dit son nom ? » Oui, madame la comtesse, un nom bizarre, qui est, il m'a dit, annoncez monsieur Judas Barnum. Adrienne se redressa, galvanisée. Lui, il osait, non, mais c'était à appeler les valets à le faire jeter dehors. Que venait-il faire? La braver encore? La torturer? Implorer peut-être un hypocrite pardon? Chercher à renouer? Non, ce nom était encore un défi, un cartel. Le lâche, le larron d'amour et d'honneur. Eh bien, soit, elle le verrait. Mais pour, d'un mot, d'un seul mot, lui faire comprendre que tout était éternellement fini. Elle irait le trouver au salon et lui dirait seulement « Monsieur, je vous considère comme un être vil. Si vous ne sortez à l'instant, j'appelle mes domestiques. Si le hasard veut que vous me rencontriez dans le monde et que vous ayez la triste audace de me reconnaître, je vous ferai souffleter par le comte de Charmeuse, mon mari. » Et d'une voix rauque, saccadée, elle dit à la femme de chambre « Priez ce monsieur de m'attendre. Je vais le trouver. » En entrant dans le salon, elle le vit qui attendait, très pâle. Toute sa résolution de le faire jeter dehors, de l'écraser d'un geste insultant s'évanouit. Il était debout, le chapeau à la main, en visiteur indifférent ou hostile, qui n'a même pas accepté le siège avancé par le domestique. Et elle voulut savoir. Une curiosité âpre, maladive et angoissante de mieux connaître la trahison et pourquoi il revenait. Elle fit quelques pas. On pourrait dire qu'elle marcha sur lui comme on marche à l'ennemi. Et lui, les tempes gonflées, l'œil éperdument fixe, la vit venir avec cette sorte d'horreur mystérieuse qui, dans les circonstances mortelles, étreint les âmes les mieux trempées. Quand ils furent tout près l'un de l'autre, presque la face dans la face, elle l'attaqua. « Je vous félicite. Votre lâcheté dépasse toutes mes prévisions. » Elle parlait de cette voix basse, ramassée, concentrée, où il semble que chaque mot doit faire balle. Il répondit sur le même ton. « Vous parlez de ma lâcheté? Mon courage, au contraire, m'étonne moi-même. Qu'êtes-vous venu faire ici ? Barnum, importe peu, mais Judas. Je veux savoir pourquoi vous m'avez appelé Judas. J'ai choisi ce mot parce que je n'en ai pas trouvé de plus méprisant. Soyez sûr que ma pitié pour vous égale votre mépris pour moi, lâche, malheureuse. » Les paroles se choquaient, se heurtaient, sifflantes. C'était le cliquetis farouche d'un duel à mort. Sur les derniers mots, ils s'arrêtèrent, pantelant tous deux, comme des athlètes qui reprennent haleine. Elle continua, agressive, la main moite de sueur, contenant mal le soufflet prêt à lui échapper. « Vous êtes sans doute venu vous assurer que j'étais bien moi. Lorsque vous avez fui en Amérique, vous aviez peut-être pensé m'avoir tué du coup. Si je ne suis pas mort moi-même en apprenant votre mariage, c'est que, vraiment, il n'y a pas de douleur qui tue. Vous, de la douleur !» Elle eut un éclat de rire qui déchira le cœur de Jean. Il y avait dans ce rire une telle détresse que désormais il pressentit l'épouvantable vérité, le malentendu, criminel peut-être, qui les avait séparés. Il saisit la main d'Adrienne et sans lui donner le temps de la reprendre, il parla longuement, d'un jet, pétrissant dans ses doigts affolés cette main dont le contact le faisait frissonner. De la douleur, oui, si l'on peut appeler ainsi tout ce que j'ai enduré, s'il est un vocable humain pour désigner une telle torture. D'abord, ma stupeur de ne rien recevoir de vous, mes lettres sans réponse, cette inquiétude sans nom qui me rongeait, puis la catastrophe où ma vie a sombré, votre mariage appris dans les journaux, les nuits sans sommeil passées dans un travail dévorant pour arriver à vous oublier, les larmes qui m'ont brûlé les yeux, les sanglots qui ont déchiré ma gorge sans fin ni trêve. Et dans le labeur géant où je me jetais à corps perdu, l'unique espérance de mourir ou de devenir fou. J'ai vécu. Ma raison a été impitoyable. Et maintenant, je souffre plus que jamais, puisque je te vois, et je sens que je souffrirai toute ma vie si d'une balle dans la tête, je ne me décide à terminer d'un coup mon amour et ma misère. Courbée, haletante, agonisante, elle écoutait. Une immense stupéfaction l'anéantissait. Elle se ressaisit enfin, se redressa, livide, plaqua ses deux mains sur les épaules de Jean, la tira à lui. « Qu'as-tu dit ? Répète. Tu m'as écrit. 100 fois, est-ce que je sais ? Tu n'as rien reçu de moi ? Pas une ligne. Jamais. » Alors, un gémissement profond monta du fond de ses entrailles déchirées jusqu'à ses lèvres blêmies. L'infortuné. Des sanglots convulsifs l'agitèrent, et lui aussi pleura, car tous deux avaient compris. Debout, l'un près de l'autre, séparés par l'abîme que Bonheur avait creusé, ils pleuraient, silencieusement, éperdus, foudroyés. Ce fut lui qui, le premier, tenta de s'arracher à ce deuil, car il sentait le vertige le gagner. Cette tête adorée, il la voulait là, sur son sein. Leurs lèvres unies, leurs corps enlacés d'une suprême étreinte. Mais la pensée de l'autre, du mari qu'il avait tenu dans ses bras, se dressait entre elle et lui. « Adieu » bégaya-t-il. Elle eut un geste d'étonnement infini. « Adieu ? Et pourquoi adieu ? Non, non, attends-moi, chez toi, demain, tu sauras tout. Nous avons des mesures à prendre ensemble. Nous nous retrouvons, rien ne peut plus nous séparer. » Elle disait tout cela avec une volubilité d'inconsciente. « Écoute, » fit-il, morne, désespéré, « si j'ai souffert pendant ces longues années, je te suis resté fidèle. Tu as été mon seul culte, oui, malgré ton mariage, malgré ton silence, je ne voulais pas te reprendre ce que je t'avais donné. Tout mon cœur, toute ma vie. Mais toi !» Elle comprit et l'arrêta d'un cri. « Mon mariage ? Crois-tu donc que j'étais femme à me donner de foi ? Il n'a eu de moi que ma dot, et n'a touché le bout de mes doigts que pour me conduire à l'autel. » Il la regarda fixement, avec la pensée qu'elle était devenue folle. Puis, tout aussitôt, une autre idée atroce lui lancina le cerveau. Elle se figurait sans doute qu'il ignorait la naissance de l'enfant, annoncée pourtant par la presse mondaine, et elle cherchait à l'abuser. Oh ! Était-ce possible ? Elle était donc, comme elles sont toutes, menteuse d'instinct, et elle était là, qui jonglait avec son pauvre cœur d'amoureux, tandis qu'il la croyait à jamais reconquise. Il porta les mains à ses tempes. « Écoute, gronda-t-il, je te jure que tu peux me tuer d'un mot. Aie pitié d'un homme pour qui tu es tout. Ne cherche pas à m'égarer. » Elle se redressa et elle eut un élan sublime. « Quelle preuve cherches-tu de ma sincérité ? Veux-tu que je m'en aille d'ici tout de suite ? Je suis prête, partons, je suis à toi. » « Tu es à moi ? » éclata-t-il. « Ah ! Songe que tu as été à l'autre. Lui ? Tu ne m'as donc pas entendu ? Faut-il te répéter qu'il n'a eu de toi que la dot, n'est-ce pas ? Mais apprends donc que je sais, te dis-je. » « Quoi ? Que sais-tu ? L'enfant. Oui, l'enfant. J'ai appris sa naissance. Comprends-tu maintenant ? » Il croyait l'écraser. Elle bondit vers lui, rayonnante, splendide d'orgueil féminin. « L'enfant ! Ton enfant ! Ta fille, Jean ! » !»« Ma fille ? » bégaya-t-il, hagard, sentant la folie l'envahir. Elle se pencha, se serra plus près de lui, compléta l'aveu en deux mots triomphants, proclama la paternité de Jean, son seul, son véritable époux. Un rugissement de joie folle lui échappa, et ce fut en lui un bonheur à le faire crier, un bonheur à l'assommer mieux que l'affreuse nouvelle jadis apprise. Il devint coup sur coup pourpre et blanc comme la mort, et il s'abattit sur les genoux en bégayant. « Pardonne, oh, pardonne, j'étais fou, j'ai douté de toi. Va-t'en, lui glissa-t-elle, va-t'en et attends-moi. Deux êtres comme nous ne doivent même pas avoir à se reprocher l'effleurement d'un baiser. Va, il faut que je réfléchisse, que je combine quelque chose, n'importe quoi, va. Mais n'oublie pas que je suis à toi et que tu m'appartiens. » Il se releva, sortit, soulevé par les bondissements de son cœur ivre de félicité titubant. Dans l'escalier, il se croisa avec un homme à qui il dit sans même le regarder « Mille pardons, monsieur, je crois que je vous ai touché. Ne faites pas attention, c'est... » Il était fou. Et, rentré chez lui, il s'enferma à double tour dans sa chambre pour sangloter de bonheur.